l'apôtre Paul a dénoncé les péchés des chrétiens de Corinthe qui prenaient la Sainte Cène avec légèreté, sans s'examiner. Cela entraîna les châtiments divins au point où certains ont été frappés par la maladie et d'autres sont morts, selon 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Deuxième vérité, nos péchés peuvent affecter notre corps et notre âme. Quand tu pèches, ça peut avoir des répercussions au niveau de ta santé. Je parle à quelqu'un, tu es tout le temps malade ces derniers temps, examine-toi, est-ce que tu n'as pas ouvert la porte à l'ennemi? Nos péchés peuvent affecter la santé au point de perdre la vigueur. Le verset 4, David dit, « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. » Il reconnaît que la vigueur, il a perdu toute vigueur à cause de son péché. Nos péchés sont des fardeaux pesants qui nous écrasent, selon le verset 5. C'est pour cette raison que nous devons nous en débarrasser en les confessant à Dieu. Dans certains cas, il peut être utile que nous les confessions devant les responsables de l'Église. Comme nous dit Jacques 5, verset 16. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui, en l'oignant d'huile, et la prière de la foi sauvera les malades. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dit, confessez donc les péchés les uns les autres. Je vais parler à une sœur. Tu as fait quelque chose qui a attristé Dieu. Va voir un homme de Dieu pour qu'on puisse prier pour toi. Mais avant de prier, tu dois confesser pour que tu sois libéré, pour que tu sois guéri. Nos péchés peuvent entraîner des plaies ou des blessures internes. Au verset 6, David dit, mes plaies sont infectes et purulentes par les fait de ma folie. Quand on parle de plaies ici, il ne s'agit pas de plaies physiques, il y a aussi des plaies internes, de blessures intérieures. Nos péchés peuvent créer en nous l'abattement et la tristesse. Parfois, quand tu as péché, tu sens que tu n'as plus la joie. Tu n'as même plus la joie d'aller à l'église. Tu n'as même plus la joie d'aller à la messe. Tu n'as plus même la joie de louer le Seigneur. Ça peut être dû à un péché que tu as commis parce que tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari. Nos péchés nous rendent faibles physiquement et peuvent entraîner les troubles dans notre cœur, selon le verset 9. Troisième vérité, nos péchés peuvent affecter nos relations avec nos prochains. Vous voyez, le péché, non seulement qu'ils affectent notre propre vie, mais le péché agit comme une bombe autour de nous. Ça peut affecter nos relations avec les autres. Il dit, nos amis et nos connaissances peuvent s'éloigner de nous. Verset 12, voici ce que David dit. Au verset 12, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Vous voyez, tout ceci est dû au péché. Je vais dire à quelqu'un, regarde bien, tu étais un homme qui était très fréquenté. Depuis un moment donné, les gens même t'ont abandonné, t'ont délaissé. Ça peut être une façon où Dieu veut te corriger. Les gens se loin de toi. Lorsque nous tombons dans certains péchés scandaleux comme l'adultère, le vol, le viol, même nos frères et sœurs dans la foi peuvent s'éloigner de nous au point où nous nous sentons solitaires. Dans certains cas, cet éloignement peut être causé par une mise sous discipline de l'Église. C'est Dieu qui permet cette solitude pour nous briser et nous pousser à la repentance. Je vais dire à quelqu'un, tu as été mis sous discipline, écoute-moi bien. Au lieu de te révolter, tu dois maintenant prendre ce temps de mise sous discipline pour revoir ta vie, pour te repentir, pour changer de direction. Et quand le Seigneur va te tirer de cette situation, tu verras que le Seigneur va encore t'utiliser davantage dans le ministère. Au lieu de chercher à aller ouvrir une église quelque part, toi qui es mis sous discipline, il faut accepter que ta mise sous discipline aille jusqu'à la fin. Certains peuvent tendre des pièges en vouloir à notre vie, au point où ils disent des méchancetés contre nous et méditer des tromperies, comme nous montre le verset 13. Mais David nous montre la voie à suivre, demeurer dans le silence et espérer en l'Éternel. Versets 14 à 15. Nos ennemis peuvent se réjouir de notre malheur. C'est pour cette raison que David fait cette prière. Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet. Au verset 17. Les gens peuvent nous haïr sans cause. Tout ça, ça fait partie des conséquences de nos péchés. Sur le plan relationnel, nous serons victimes d'ingratitude. Ceux à qui nous avons fait du bien nous rendront du mal. Verset 21. Quatrième vérité, nous devons avouer humblement nos péchés devant Dieu. David savait s'humilier devant Dieu et reconnaître son péché sans chercher à se disculper. C'est pourquoi il dit, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Au verset 19. Je veux que quelqu'un apprenne à reconnaître son péché. Ne cherche pas à te justifier. Quand tu as commis un péché, il ne faut pas dire ce n'était pas de ma faute, c'est parce que j'étais tenté, c'est parce que je n'avais pas d'argent, c'est parce que mon mari ne m'a pas donné ceci. Non, tu ne peux pas justifier cela. Je vais dire à un homme, tu ne peux pas justifier en disant oui, j'ai commis l'adultère parce que ça fait plus d'un mois que ma femme ne voulait pas réellement me céder son corps. Tu ne dois pas justifier ton péché. Tu dois dire, Seigneur, j'ai péché. Je péché contre toi. Je reconnais mon iniquité. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dit la Bible. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, selon 1 Jean 1, verset 9. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons d'abord ce cantique. Tu es tout. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le Seigneur. Lui qui permet que tu entendes ses vérités. Lui, le Dieu qui pardonne les péchés. Élève ta voix. Bénis son saint nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission OSB qui fait tant du bien à plusieurs personnes, à plusieurs familles. Vous avez au microphone votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous rappelons que le passage du jour, c'est le psaume 38. Veuillez partager OSB avec vos amis et connaissances, surtout ceux qui le reçoivent par WhatsApp. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux qui sont tombés dans le péché. Ils doivent le confesser. Et si toi qui m'entends, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion de le faire. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, il y a la colère de Dieu qui t'attend. Mais si tu es chrétien et que tu es tombé dans un péché, tu vas prier pour demander pardon au Seigneur. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui sont tombés dans un péché quelconque, pour la repentance. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous élevons ton saint nom, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Nous avons le privilège ce matin de venir devant ton saint trône et prier pour te demander pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos transgressions. Nous prions au Père éternel pour tous ceux et pour toutes celles qui ont chuté, qui sont tombés dans le péché et qui y vivent. Nous prions pour une repentance, une véritable repentance au Père éternel. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous prions contre tout endurcissement spirituel. Nous prions contre toute forme d'aveuglement et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ la manifestation de ta puissance. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, délivre-nous au Père éternel des liens de la servitude. Délivre-nous des liens du péché. Et restaure-nous au Père éternel. Que ceux qui sont tombés dans le péché soient relevés, qu'ils se tournent vers toi et demandent pardon et qu'ils soient restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci pour la sécurité. Nous disons merci pour la protection. Père, par le sang de ton fils Jésus, protège tes fils et tes filles afin qu'ils ne puissent plus retourner vers leur vomissure dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Et nous exprimons notre reconnaissance pour la sécurité, pour la protection que tu accordes à tes fils et à tes filles. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque ou d'un problème dont l'origine et le péché. Ils ont perdu la vigueur. Nous allons demander que Dieu vraiment les visite, qu'ils se repentent, qu'ils puissent aller voir même un homme de Dieu. Et là où tu es, tu peux te repentir. Et je vais demander à quelqu'un, si tu vois que tu étais malade, ta maladie est causée à cause d'un péché, demande pardon. Et pendant que tu demandes pardon, demande au Seigneur de te purifier par son sang. Et tu vas poser ta main là où tu te sens malade maintenant. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Et je déclare que ce mal te quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, proclame cela. Nous bénissons ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père, parce que nous savons en qui nous avons cru, Yahweh Rapha, lui qui guérit toutes nos maladies, auprès de qui également se trouve le pardon. Ce matin, tu nous dis également dans ta parole que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il soit sécurisé, protégé par toi-même, par ta main, par ton sang. Ce matin, tous ceux qui nous écoutent, il y a d'autres qui souffrent dans leur corps parce qu'ils ont désobéi à ta parole. Notre Dieu, notre Père, ils ont fauté. Ils n'ont pas écouté la voix de ta parole, la voix de ton esprit. Ta parole est prêchée et on programme le péché. On demeure en vie, on pratique, on aime ce péché-là. Et les conséquences sont immédiates, c'est la maladie, c'est la souffrance psychologique. Ô Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. C'est auprès de toi se trouve le pardon, notre vœu, notre souhait, qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés. Notre vœu également qu'ils aillent voir un serviteur de Dieu, leur serviteur, ou qui viennent ici à la radio, nous allons prier pour eux, nous allons invoquer le Seigneur, nous allons supplier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu qui met au large, le Dieu qui nous donne la grâce, parce que nous sommes encore sur la grâce, au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons votre guérison, nous déclarons votre guérison, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu restaure nos relations qui ont été affectées par le péché. Nous venons de voir ici que le péché peut affecter nos relations. Peut-être que ça a affecté tes relations avec ton mari, avec ta femme, avec ta belle famille, avec tes amis, avec des collègues de service. Tu vas prier pour que Dieu restaure tes relations dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons encore ton nom ce matin pour cette opportunité que tu nous offres de te parler, de t'invoquer, de crier à toi. C'est une grâce, Seigneur. Merci parce que depuis un certain temps, nous avons perdu la foi chrétienne. Nous nous sommes égarés de tes voies. Nous sommes dans le péché constamment, sous toute forme. le péché de vol, le péché de l'adultère, de l'impudicité, le péché de la désobéissance, le péché de l'hypocrisie. Nous parlons mal à des hommes de Dieu, nous critiquons les messages. Seigneur, le péché d'insulte. Souvent, Seigneur, nous n'arrivons pas à pardonner pour tous ces péchés. Cela nous affecte et nous réclamons la restauration de nos relations affectées par toute forme de péché. Père, notre voisin est frustré, notre épouse est frustrée, notre compagnon de travail est frustré, notre collègue est mécontent parce que nous n'avons pas fait ce qu'il convenait de faire. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes qui se reconnaissent dans un quelconque péché et qui crient à toi par ma voix. Aie pitié, sanctifie-nous, restaure-nous, renouvelle-nous et que ces relations qui ont été affectées soient renouvelées, requinquées. Béni sois-tu pour la force que tu nous donnes d'aller vers notre frère, notre sœur, notre mari, époux, pour confesser nos péchés et avoir le courage de nous pardonner et d'abandonner le péché. Merci pour ta grâce de nous maintenir dans la sanctification de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.